Raison d'état par Yves de Nolly. Chapitre 1er. Ce soir-là, comme tous les mardis soirs, il y avait réception intime chez la reine. En d'autres termes, quelques privilégiés, reconnus admissibles de par leurs 12 quartiers de noblesse, 8 du côté paternel, 4 du côté maternel, se réunissaient dans les petits appartements de Sa Majesté et causaient à demi-bois, par groupes discrets, tout en buvant du thé trop faible dans des tasses d'argent repoussées. S'amusait-on dans ces réunions? Je n'oserais trop l'affirmer. J'affirmerais plutôt que pas un de ceux qu'on vit à l'honneur d'y paraître n'eût voulu, au prix de sa vie, manquer à l'appel. Dans cette société à la fois restreinte et arriérée, esclave des 3 préjugés traditionnels, les habitués des petits mardis de la cour constituaient une classe à part, la seule à leur sens qui méritât d'exister. Et ainsi se trouvait tout naturellement tracée la ligne de démarcation parfois difficile à établir. On était du monde ou on n'en était pas, selon qu'on avait ou qu'on n'avait pas bu dans les tasses d'argent repoussées. La distinction se saisissait sans effort et faisait loi dans le code social. Rien de moins fastueux d'ailleurs que ces soirées sélectes. La reine y paraissait dans des toilettes d'une simplicité voulue, et à son exemple, les femmes évitaient tout étage de luxe dans leur mise. Qu'avaient-elles besoin de recourir à de pareils moyens pour affirmer leur supériorité? Leur semble ne suffisait-il pas? Quant aux distractions offertes à ce cercle d'élite, elles n'étaient ni plus variées ni plus coûteuses que les toilettes. De loin en loin, quelque artiste en renom, traversant la capitale, obtenait la faveur de se faire entendre, mais c'était là l'exception rare et en somme peu appréciée. On préférait mille fois les mardis ordinaires ayant pour seuls éléments les conversations, les médisances fines échangées à voix basse, les scandales inédits colportés et amplifiés. La politique aussi y avait sa part. Ne s'imposait-elle pas à tous dans ce petit royaume dont l'existence, fragile et contestée à l'extérieur, se voyait intérieurement troublée par une opposition sans cesse grandissante? Au fond, la crainte du lendemain était dans tous les cœurs, bien qu'elle se dissimulât habilement sur les visages. Aussi, les moindres indices, un nuage imperceptible sur le front de la reine, une parole échappée à l'impénétrable président du conseil, formaient-ils le texte de 1000 commentaires, pessimistes ou optimistes, suivant les commentateurs. L'optimisme, toutefois, était de mode. La jeune et vaillante souveraine en donnait l'exemple. Le décevant apprentissage du trône n'avait pu dompter chez elle les ardeurs d'une âme virile. Elle croyait au bien, elle y croyait d'une foi robuste et que rien n'ébranlait. Mais que d'obstacles sur sa route, que d'impossibilités cruelles, que de dégoûts quand elle se heurtait aux ambitions cyniques, aux intrigues misérables, aux basses jalousies. N'importe, elle marchait quand même. Lorsque le roi, dont la nature rêveuse s'accommodait mal des soucis du pouvoir, parlait d'abandonner la lutte, c'était elle qui relevait son courage, elle qui lui faisait comprendre qu'une abdication serait une lâcheté, qu'il n'avait pas le droit de rejeter cette couronne qui pesait sur son front d'un poids insupportable. Oh, c'était une tâche douloureuse, celle de cette femme faite pour les élans généreux et irréfléchis, pour les amours et les haines vigoureuses, et qu'une étrangeté du sort condamnait à vivre retenue par 1000 chaînes invisibles, environnée d'embûches, n'ayant autour d'elle que des dévouements factices pour combattre des dangers réels. Pourtant le monde, qui de tout ne voit que la surface, la jugeait plus digne d'envie que de pitié. Si, de bonne heure, elle avait connu les tristesses de l'exil, si ses premières années s'étaient passées dans l'isolement auprès d'un père dépossédé de ses droits, chassée de son royaume, n'avait-elle pas à 20 ans reconquis une couronne par le seul prestige de sa merveilleuse beauté? Que de mauvais vouloir, que d'hostilité sourde, son triomphe n'avait-il pas mis en éveil? Elle, toute à l'ivresse de sa passion partagée, dédaignait les représailles. Heureuse, elle eût voulu que tous fussent heureux. Dans ces premières années où la vie lui paraissait si bonne, le devoir si facile, elle s'était tenue à l'écart de la politique, bornant son rôle à répandre des bienfaits, et lorsqu'un enfant lui était né, un fils assurant l'hérédité de la dynastie, Au cri de reconnaissance qui était monté de ses lèvres vers le ciel se mêlait un doute inquiétant. Un tel bonheur n'est-il pas trop parfait? N'est-ce pas tenter Dieu que d'oublier à ce point qu'il nous a créés pour la souffrance? Hélas, cette loi fatale qui condamne l'humanité à souffrir, elle ne l'éluda pas longtemps. 2 ans ne s'étaient pas écoulés depuis son mariage, lorsqu'une première désillusion vint la réveiller en plein rêve. L'amour du roi, cet amour qu'elle avait naïvement cru devoir être éternel, lui échappait. Oh, la torture de cette humiliation! L'angoisse de la renfermer dans son cœur sans que personne ne la devinât. Vis-à-vis de tous, vis-à-vis du roi lui-même, du roi surtout, elle conservait la dignité du silence. Lui, moins qu'un autre, ne devait connaître la profondeur de la blessure qu'il avait faite. Et, dédaigneuse de récrimination, elle poursuivait seule désormais la route qu'un moment elle avait suivie à deux, la route jadis pleine de fleurs et de soleil, aujourd'hui aride et désolée. Puis, tardivement, l'ambition lui était venue. Ne serait-ce pas une faiblesse indigne d'elle de s'attarder dans l'égoïste contemplation de son chagrin? Elle avait mieux à faire. Son influence sur le cœur du roi n'existait plus. Eh bien, elle en exercerait une autre, meilleure peut-être, plus durable à coup sûr. L'influence que la Galigaille, fière et imperturbable, formulait superbement à la face de ses juges. Et ce fut un spectacle singulier que celui de cette femme, si jeune, qui n'avait vécu jusque-là pour aimer et être aimée, s'initiant aux problèmes ardus de la politique, élevant sa voix dans le conseil, étonnant ministre et diplomate par son intuition merveilleuse de l'art de gouverner. Peu à peu, le rôle qu'elle avait adopté comme dérivatif l'absorba tout entière. Combien ces amertumes individuelles lui semblaient peu de choses en regard des grandes et poignantes questions à débattre, des intérêts généraux à sauvegarder. Il s'agissait bien vraiment de disputer un mari infidèle à des rivales indignes, lorsqu'au-dedans le royaume menaçait ruine, lorsqu'au-dehors son existence même était en jeu. Il fallait se défendre, livrer le bon combat, ramener un peuple égaré aux saines traditions et aux saines croyances. Il fallait consolider ce trône qui vacillait sur ses bases, le léguer raffermi au frêle enfant sur lequel sa mère avait reporté toutes ses tendresses. Oh, la mission était belle. Celle qui l'accomplirait n'aurait pas vécu en vain. Et la courageuse femme demeurait sur la brèche, sereine et forte, ne laissant jamais soupçonner que parfois, vaincue par les sombres prévisions de l'avenir, elle était tentée de désespérer. Le mal était venu bien vite. Quelques années plus tôt, lorsque le roi Éric parvenait au pouvoir, son règne s'annonçait sous les plus favorables auspices. La philanthropie du jeune souverain, ses intentions loyales de réprimer les abus, sa sollicitude pour les classes souffrantes, l'avaient rendu fort populaire. Et la reine Christiane partageait sa popularité. On l'aimait, elle, pour l'éclat de sa beauté, pour la séduction mêlée de grandeur de toute sa personne. On l'aimait plus encore pour sa charité héroïque, qui, bravant la contagion, l'agenouillait au chevet des mourants. Que de fois ses douces paroles, son lumineux sourire, n'avaient-ils pas apaisé les terreurs de l'agonie? Oui, les débuts du règne s'annonçaient remplis de promesses, mais les peuples, comme les enfants, ont leurs caprices. Peu à peu, sans qu'on sût au juste à quoi attribuer le revirement, des symptômes de désaffection s'étaient produits. On murmurait tout bas que les essais philanthropiques du roi n'avaient abouti à rien, qu'au demeurant, après 4 années d'infructueux efforts, les misères étaient aussi grandes, les abus aussi vexatoires. Si, à ce moment, on n'osait pas encore s'en prendre directement au souverain, en revanche, on s'attaquait sans ménagement à son ministère. Ceux qui le composaient, des arriérés, des conseillers néfastes. C'était eux qui paralysaient la bonne volonté d'Éric, eux qui le maintenaient dans l'ornière des routines d'un autre âge. Car même ici, dans ce royaume exigu et primitif, les idées subversives avaient fait leur chemin. Même ici, les apôtres d'un faux libéralisme rencontraient des auditeurs naïfs s'extasiant devant leur doctrine. Et pliant sous l'orage, le roi avait sacrifié le seul homme qui possédait sa confiance, le vieux comte de Held, le ministère austère dont le nom était à la fois synonyme d'intégrité et de réaction. Celui-ci était tombé, inébranlable dans sa politique intransigeante, mais sa chute, loin de satisfaire les esprits, ouvrait la porte à des exigences nouvelles. Tout ce qu'il avait pressenti, tout ce qu'il avait redouté, s'accomplissait et au-delà. Un cabinet discrédité cherchait à prolonger son existence misérable en pactisant avec les mécontents. Seule, la reine, d'une main ferme, s'efforçait de retenir le sceptre. Mais que pouvait-elle, hélas, elle seule, contre le flot qui montait sans cesse, l'enserrant de toutes parts? Que pouvait-elle, lorsque, par une fatalité inexplicable, elle rencontrait l'ennemi jusque parmi les siens, à son propre foyer? Et souvent, la parole divine retentissait prophétiquement à ses oreilles. Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Toute maison divisée contre elle-même tombera en ruine. Cela paraissait cruel, bien cruel en vérité. Par quelle aberration le propre frère du roi, celui qui devait être le soutien et le défenseur du trône, faisait-il cause commune avec ses adversaires? Il semblait appelé à un meilleur rôle pourtant le prince Ewald, ce prince chevaleresque, brave jusqu'à la témérité, incapable, au dire même de ses détracteurs, de tout sentiment intéressé, de tout calcul vil. Quel souffle de folie avait traversé ce cerveau ardent? Quelle utopie voulait-il réaliser? On ne le savait guère, mais insensiblement, à mesure que le malaise se propageait et s'accroissait, le pays s'habituait à voir en lui un sauveur. Si quelque coup inespéré du sort le portait au pouvoir, son avènement inaugurerait une ère libérale et heureuse. L'opposition ne se faisait pas faute d'encourager ses espérances, et le nom du prince Ewald était devenu un drapeau à l'abri duquel se réfugiaient les révoltés de toute nuance. Ce rôle, il l'acceptait, et l'acceptant, il était sincère. Pour lui, ces traditions séculaires, ennemies du progrès, ce système de gouvernement resté immuable au milieu des transformations violentes d'une Europe moderne, tout cela n'avait plus de raison d'être. Et le premier, il avait attaché le grelot. Le premier, peut-être, sans s'en rendre compte, il avait mis au cœur du peuple 1000 aspirations chimériques. Oh, sans doute, la reine voyait juste lorsqu'elle incarnait en lui le péril suprême. Et le plus dangereux, c'est qu'il était de bonne foi. Au fond de ces agitations qui présageaient la mort, il croyait découvrir une semence de vie. Entre lui et le comte de Held, l'hostilité avait été constante. Le grand autoritaire, comme on appelait le vieux ministre, ne pouvait sympathiser au rêve d'émancipation d'un esprit fougueux, dépourvu d'équilibre. Ce n'était à son sens que bilvesé funeste, et s'inquiétant peu, dans la fierté de ses convictions, d'engager un conflit avec le premier prince du sang, il avait combattu pied à pied l'influence qu'il jugeait délétère. Partout il l'avait traquée, espérant la détruire. Peine inutile. La fortune aime les jeunes, les audacieux surtout. Dans ce combat inégal, le vieillard devait succomber, et le sentiment de sa défaite avait assombri ses derniers jours, vécus dans l'isolement et l'oubli. L'oubli, non pas de tous, pourtant. Dans son exil volontaire, une consolation lui était restée, l'amitié de la reine. Cette amitié qu'il avait soutenue à travers les soucis de sa charge l'aidait aujourd'hui à supporter sa disgrâce. Aussi, comme il lui restait dévoué à cette noble créature qui démentait si victorieusement l'ingratitude proverbiale des souverains, il s'écrivait souvent. C'était lui le seul confident de ses angoisses et de ses défaillances, lui qui l'assistait de ses lumières. Mais un jour la plume tombait de la main du serviteur fidèle, la mort venait le surprendre, et Christiane, n'écoutant que son cœur, accourait au chevet de son vieil ami pour lui dire un dernier adieu. Il l'avait reconnu, il avait pu la remercier encore et, dans une recommandation dernière, lui confiait l'avenir de la fille unique qu'il laissait orpheline. Cette recommandation, la reine ne l'avait pas oubliée. Une année s'était écoulée depuis lors. L'horizon demeurait gros d'orage, mais le petit monde de la cour détournait les yeux, cherchant à s'étourdir, et ce soir, il y avait réception fermée au palais. Par une bizarrerie d'étiquette, le roi n'assistait jamais à ces réunions. Christiane elle-même ne s'y montrait qu'au commencement et à la fin. Sur le coup de 10 heures, les portes de la galerie s'ouvraient. Au milieu du silence, la voix d'un chambellan s'élevait solennelle. « La reine !» Et celle-ci paraissait sur le seuil, saluant d'une révérence lente, majestueuse, une révérence célèbre dont toutes les souveraines d'Europe lui enviaient l'exquise perfection. Elle s'avançait alors, adressant une parole à chacun, tendant la main au petit nombre, puis elle se retirait dans un salon attenant à un jardin d'hiver et donnait là audience aux plus privilégiés. Vers 1 heure, elle traversait de nouveau la galerie, s'entretenait encore avec l'un ou l'autre et rentrait dans ses appartements privés. C'était le signal de la dispersion. Ce soir donc, la reine, ayant passé dans son salon intime, emmenant à la suite un diplomate récemment accrédité à la cour, les conversations allaient leur train. Certes, aujourd'hui, les éléments ne manquaient pas. D'abord, une incartade nouvelle du prince Ewald, un discours prononcé la veille dans une réunion quasi officielle, un exposé de principes que les exaltés qualifiaient d'incendiaire, que les plus modérés blâmaient comme imprudent. Puis, autre chose, un décret, paru le jour même, élevant à la dignité de demoiselle d'honneur la comtesse Ludmille de Helt. Sans doute, un pur effet du hasard, cette nomination publiée le lendemain même du discours, toutefois la coïncidence ressemblait fort à une protestation. La fille même de celui qui avait vécu en inimitié ouverte avec le prince, attachée à la personne royale. Au fond, ce n'était qu'un des 1000 incidents de la guerre déguisée qui se poursuivait entre la reine et son beau-frère, mais qui pouvait donner tort à la pauvre femme? Lors même qu'elle eût cherché des représailles, elle n'avait que trop le droit de les exercer. C'est là ce qui se disait, non sans animation, dans tous les groupes. Le prince Ewald, avec ses théories d'émancipation, ne réunissait guère de sympathie dans ce milieu de courtisans. Il ne faisait au reste rien pour les obtenir. Dans ses rares apparitions à la cour, il se signalait par une réserve hautaine qui lui conciliait peu les bonnes volontés, et ceux qu'il traitait de politiciens d'antichambre lui rendaient haine pour dédain. Non, à coup sûr, on n'était pas fâché que la reine ne le ménageât pas. Aussi, d'avance, se sentait-on impatient de voir arriver la jeune comtesse. On s'enquérait d'elle avec curiosité, mais les informations qui circulaient se résumaient à peu de choses. On savait seulement que, privée de sa mère dès son berceau, ses premières années s'étaient passées dans un couvent et que son père, lors de sa retraite, l'avait appelée auprès de lui. Depuis sa mort, elle vivait sous la protection d'une femme de confiance, dans le vieux château perdu au fond des bois qui lui était resté pour seul patrimoine. D'après les calculs probables, elle devait avoir de 20 à 21 ans. Là se bornaient les renseignements qu'on avait pu recueillir. « J'espère qu'elle sera jolie, » disait la petite marquise de Rheinfels, une brune avec un minois chiffonné et un profil à la diable. C'est un devoir d'État dans sa position. Une reine entourée de femmes laides, ça devrait être défendu. D'ailleurs, la nôtre n'a pas besoin de repoussoir. Croyez-vous vraiment que la beauté soit si indispensable? Dit un vieillard chamarré de plaque qui, assis à ses côtés, jouait avec son éventail. Elle se retourna vers lui d'un air mutin. Prenez garde, mon général, c'est une personnalité. Il sourit en la regardant. Vous voulez un compliment, ma chère? Vous ne l'aurez pas. Ce que je prétendais dire, c'est que souvent, avec une beauté médiocre et beaucoup de savoir-faire, on escalade les situations en vue. Nous en avons des exemples. Tout en parlant, ses yeux se dirigeaient vers une extrémité de la galerie où une femme mince, à l'attitude dédaigneuse, aux cheveux fauves et à l'œil clair, se tenait debout entourée de 4 à 5 jeunes gens dont l'empressement semblait lui causer plus d'ennui que de plaisir. Oh, celle-là, reprit la marquise avec un mouvement d'épaule. Eh bien, c'est peut-être à elle que je pensais. Convenez que ce serait amusant de lui voir surgir une concurrence. Mais vous êtes immorale, marquise. Réfléchissez donc, une jeune fille. D'ailleurs, je vous croyais amie de la reine. La reine? Je l'adore, la chère et sainte créature. Seulement, entre nous, elle a pris son parti. Et puisque la fonction est devenue officielle, on la voudrait remplie par tout autre que par cette détestable baronne de Plaquehorn. Mais au fait, vous avez raison. Une jeune fille, je n'y songeais pas. Puisque métier il faut le laisser à celles qui n'ont rien à perdre. À ce moment, un grand jeune homme blond, en uniforme d'officier des gardes du roi, s'approcha de la marquise, dont le visage s'épanouit en le reconnaissant. « À la bonne heure, on vous voit enfin. dit-elle en lui secouant la main à l'anglaise. « Venez un peu, monsieur l'homme bien informé, nous raconter ce qui se passe. Est-il vrai qu'on va enfermer le prince Ebald dans un pénitencier ou le forcer, comme gage de soumission, à épouser d'un coup la comtesse Ludmy et les principes rétrogrades de son papa ?»« Marquise, vous plaisantez surtout et pourtant, je vous jure que la situation n'a rien de bien gai, » dit le jeune homme avec un soupir. Une expression chagrine assombrissait sa belle et loyale physionomie. Moi qui connais le prince Ebald, qui sais ce que cette nature indisciplinée renferme de qualités généreuses, je ne suis pas de sang-froid lorsque je le vois ainsi faire fausse route. Oh, quoi d'étonnant, il est si mal conseillé. Peut-être. Et puis, entre le roi et lui, il y a eu des malentendus. Tous deux, au fond, veulent la même chose. Seulement, ils ne sont pas d'accord sur les moyens. Pour comble de malheur, le prince se défie de la reine, il lui reproche son attachement au passé, sa résistance à toute innovation, tandis qu'elle ne voit en lui qu'un ambitieux qui sème le trouble dans le pays pour se créer une popularité. Tout cela est triste, je vous le répète, c'est un malentendu. Mais c'en est un formidable, et dont il n'est que trop à craindre, nous périrons tous un jour. » La petite marquise l'interrompit en tressautant sur son fauteuil. « Voulez-vous vous taire, monsieur le duc, si vous croyez que c'est divertissant d'écouter vos prophéties lugubres ? Songez que nous sommes en plein carême et ne marchez pas sur les brisées de Jérémie. » Du reste, poursuivit-elle, avec une jolie moue d'enfant gâté, vous en serez pour vos frais d'éloquence. Vous ne me convertirez pas. Je tiens votre prince Ebald pour un affreux révolutionnaire, et si peu galant avec les femmes. Il les regarde de son haut comme s'il avait affaire à des êtres inférieurs. Ce n'est pas une fameuse preuve de jugement, vous savez. Pour la première fois, le visage du duc de Leuven se dérida. Il s'inclina avec un sourire malicieux. « Il dépendrait de vous, madame, de lui faire changer d'opinion. » La jeune femme eut une explosion de gaieté. « Des phrases. Des compliments de vous à moi, mon cher duc. Allons donc, c'est trop tard. Depuis 5 ans, j'ai remué ciel et terre pour que vous me fassiez la cour. Oh, je n'étais pas exigeante. Un bout de déclaration à vos moments perdus. Vous ne vous êtes pas seulement aperçu de mon manège. Aussi, j'ai renoncé. J'imagine que j'aurai absolument le même succès auprès du prince Ebald. » Elle renversa la tête sur son fauteuil, riant de tout son cœur. Au même instant, un murmure parcourut l'assemblée. Sa Majesté sortait de son petit salon. Le silence se fit, et en un clin d'œil, tous furent debout. La reine s'avança, saluant à droite et à gauche. Toute vêtue de blanc, une seule étoile de diamant brillant dans ses cheveux d'or, on eût dit d'une apparition tant sa beauté était vaporeuse et immatérielle. Son regard, qui semblait chercher quelqu'un, s'arrêta sur le duc de Leuven. Un moment elle hésita, puis lui fit signe d'approcher. « Je voudrais vous parler, mon cousin, » dit-elle. Et elle l'entraîna à l'écart. Seul vis-à-vis de lui, dérobé à l'attention curieuse, son sourire factice expira subitement. D'une voix précipitée, elle l'interrogea. « Avez-vous vu Ebald aujourd'hui ?»« Ce matin même, madame. »« Eh bien, que dit-il ? Comment explique-t-il son étrange sortie d'hier ? Sait-il à quel point le roi est irrité, justement irrité ? Ne comprend-il donc pas le mal qu'il nous fait, qu'il fait au pays, qu'il se fait à lui-même ? Le prince, votre majesté ne l'ignore pas, se figure accomplir une œuvre de salut pour tous. C'est un illusionné qui a foi dans la mission qu'il s'impose. Aujourd'hui, cependant, je l'ai trouvé moins sûr de lui. Il reconnaissait qu'il était allé trop loin, que, dans une certaine mesure, sa parole avait dépassé sa pensée. Un pli amer contracta la bouche de Christiane. Lui, admettre ses torts, ce serait un trait nouveau de son caractère. Quand donc ne s'est-il pas jugé infaillible ? Vous le savez tout aussi bien que moi. La reine me permet-elle de lui répondre franchement ? Je vous y autorise toujours, mon cousin. Eh bien, madame, le prince est moins difficile à ramener qu'on ne suppose. Mais pour qu'une entente fût possible, il faudrait s'y prendre autrement, ne pas le tenir en suspicion, ne pas lui laisser croire qu'on met en doute sa loyauté et son patriotisme. Votre Majesté daignera excuser la liberté de mon langage. C'est en l'attirant au lieu de l'écarter, en lui donnant une large part dans la direction des affaires du pays, qu'on arriverait plus sûrement à le convertir. » La reine secoua tristement la tête. « Croyez-vous que nous n'ayons pas épuisé les tentatives de conciliation ? Et cependant, mon Dieu, je veux bien, moi. Je suis toute prête à renouveler l'effort, mais c'est lui qui s'éloigne de nous. N'affecte-t-il pas de ne paraître ici que dans les grandes solennités ? Il croit, madame, que sa présence n'est pas agréable à la reine. Ne fait-il pas tout pour me la rendre douloureuse ? Eh bien, n'importe, qu'il vienne. Qu'il comprenne donc enfin que nous ne demandons que la concorde, que l'oubli du passé. Il devrait sentir pourtant qu'en travaillant contre nous, il se perd, que nos intérêts sont les mêmes. Ce n'est pas trop de toutes nos forces réunies, Dieu le sait, pour conjurer l'avenir qui nous menace. Elle s'arrêta, tremblante d'émotion, puis elle reprit, plus calme. « Je vous confie cette tâche, Olaf. Aidez-nous. Vous seul avez de l'influence sur le prince. » Usez-en pour son salut et pour le nôtre. » Le duc se pencha sur la petite main que Christiane lui tendait et y déposa un baiser respectueux. « Votre Majesté sait qu'elle peut compter sur moi. » « Allons, » dit la reine d'un ton résigné. « Il s'agit maintenant de reprendre son masque. » De nouveau, esquissant un sourire, elle revint au milieu de la galerie, s'arrêtant ici et là pour adresser un mot aux femmes rangées sur son passage. Parvenue devant la baronne de Blackhorn, elle allait passer outre lorsqu'elle se ravisa soudain. « J'ai su que vous aviez été souffrante, madame la baronne, » dit-elle d'une voix très douce. « Je suis heureuse de vous voir établie. » Madame de Blackhorn s'inclina jusqu'à terre avec un murmure de remerciement. Son regard fuyant évitait celui de la reine. Celle-ci acheva le tour du salon et, suivie de ses dames d'honneur, se retira dans ses appartements. « Avez-vous vu la baronne ?» dit un chambellan à l'oreille de la marquise de Rheinfels. « Elle a le droit d'être fière, en faveur des deux côtés à la fois. C'est ce qu'on peut appeler une position assise. » La jeune femme haussa les épaules. « J'ai vu que la reine est une sainte, et je n'avais pas besoin de cette preuve pour m'en convaincre. Quant à la baronne, si la Providence n'en fait pas un jour un exemple éclatant, c'est qu'elle a détourné les yeux de cette terre d'iniquité. »